الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله nous rentrons donc dans le troisième partie de notre exposé sur les règles et les principes du takfir. Et là, nous allons voir aujourd'hui, inshallah, le takfir dans les avis des savants de l'islam. Avant que je rentre dans ce sujet-là, j'aimerais qu'on souligne une chose et qu'on prenne bien conscience d'une chose. C'est que la parole d'un savant, l'avis d'un savant, isolé, quel qu'il soit, qui qu'il soit, quelle que soit la grandeur de son ilm, qu'il soit reconnu, etc., ce n'est pas une hujja, ce n'est pas un dalil dans l'islam. Qu'il soit Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'il soit Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il soit Ahmed ibn Hanbal, Shafi'i al-Bukhari, rahimahumullah, jami'an. Leur parole isolée, ce n'est pas une preuve. Ça veut dire qu'on entend beaucoup et on voit beaucoup de frères de différentes tendances, ou bien de ceux qui se revendiquent de l'islam, mais subhanallah, qui en sont sortis, wal'ayadu billah. Lorsqu'ils parlent, ils disent tel shir a dit pour donner l'argumentation à ses propos. Lakin al-hujja indana huwa al-kitab wa sunnah, c'est le Coran et le hadith, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et al-ijma', l'unanimité, yani le consensus des ulama. À partir de là, ça, on peut dire que c'est une preuve. Lakin, après, le simple fait de dire tel shir a dit, l'imam il a dit, tel frère ou là, tel... C'est pas une preuve. Donc, lorsque ici, je vais évoquer les vieux savants et qu'on va développer ce sujet-là encore, inshallah ta'ala, il faut bien qu'on ait ça à l'esprit. Que la vie d'un savant, yani de manière isolée, avec tout le respect qu'on a pour eux, ce ne sont pas des prophètes. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ce n'est pas un prophète. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce n'est pas un prophète. Al-Bukhari et tous les autres, ce ne sont pas des anbiya, ce ne sont pas des prophètes. Nous avons un prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre prophète. C'est lui qui ne peut se tromper. Les autres, ils peuvent se tromper. Taïb. Donc ici, je vais commencer en citant la parole de l'imam Al-Barbahari, qui est un savant du madhab Hanbali, ça veut dire l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il dit, rahimahullah, وَلَا يَخْرُجْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه الإسلام من الإسلام. Donc il dit, aucun musulman ne sort de l'islam tant qu'il ne rejette pas un verset du livre d'Allah ou quoi que ce soit comme récit du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien qu'il ne prie et qu'il ne prie pas un autre qu'Allah, c'est-à-dire ou bien qu'il ne prie un autre qu'Allah, ni n'offre de sacrifice à un autre qu'Allah. Par contre, s'il fait quoi que ce soit de cela, de tout ce qu'on vient de citer, alors il dit wajab alayk an islam. Alors il est obligatoire que tu le sortes de l'islam, que tu fasses son takfir. Taïb. Donc ça c'est, on a dit, c'est un savant de l'école Hanbali. Maintenant, il dit Abul Hussein al-Malati rahimahullah ta'ala, et qui lui est un savant donc de l'école Shafi'i, qui a suivi le madhab de l'imam Shafi'i rahimahumullah. Il dit il n'y a pas de divergence entre toutes les tendances de Ahlul Qibla. Il n'y a pas de divergence sur toutes les tendances des gens de la Qibla, c'est-à-dire les gens qui... Il y a des musulmans en vérité. Quand on dit des gens de la Qibla, c'est-à-dire les gens qui prient vers la Mecque, on parle des musulmans. Donc il dit, il n'y a pas de divergence entre eux, que quiconque doute de la mécréance d'un mécréant est un mécréant. Car celui qui doute sur la mécréance n'a pas de foi, vu qu'il ne sait pas reconnaître la mécréance de la foi. Donc il dit ainsi, il n'y a pas de divergence entre tous les gens de la communauté, les Mu'tazila comme les autres, c'est-à-dire même les Mu'tazila qui sont une secte égarée, même eux ils ne divergent pas sur celui-là. Ils ne divergent pas sur ça. Sur quoi ? An-nashak fil kafir al kafir fil kafir kafir. Que il n'y a pas de doute, il n'y a pas de différence avec les autres tendances, que celui qui doute de la mécréance du mécréant, c'est un mécréant. An-nashak fil kafir kafir. Ensuite, il dit Al-Qadi Iyad al-Maliki, donc il dit, donc al-Maliki, ça veut dire Al-Qadi Iyad, c'est un savant de l'école malikite, qui était en Andalousie, originaire de l'Andalous, hein, l'Espagne actuelle, donc c'était l'Espagne musulmane. Donc il dit Wakadalika waqa' al-ijma' ala takfir kullu man dafi'a nas al-kitab. Donc il dit, il y a unanimité pour bannir de l'islam, pour faire le takfir de quiconque rejette un texte clair du livre, c'est-à-dire du Coran, ou qui détourne le sens d'un hadith unanimement et catégoriquement authentifié. Comme par exemple en ce qui concerne le takfir à l'encontre de ceux qui, parmi les khawarij, ont rejeté la peine de la lapidation sur la personne qui fait zina. Donc celui qui fait une chose pareille, alors il y a unanimité que on fait son takfir. Il dit, et c'est pour cela que nous expulsons de l'islam quiconque ne juge pas mécréant celui qui adopte une autre religion que celle des musulmans parmi les autres religions, ou bien qui hésite à leur sujet. Subhanallah. Il dit celui qui hésite à leur sujet, et bien celui-là aussi, il dit on le considère comme étant un kafir. Il dit au shakka au sahaha madhhabihim wa in adharu ma'a dhalika al-islam. Il dit que celui qui doute ou qui hésite à leur sujet, ou qui doute encore, ou encore valide leur religion, il dit, et même s'il est en même temps persuadé que l'islam est la vraie religion. Subhanallah, ça veut dire qu'il dit, on rend mécréant non seulement celui qui adopte une autre religion que celle de l'islam, naam, ça c'est évident, il dit, ou bien celui qui hésite au sujet de ces gens-là, qui prennent une religion autre que l'islam. C'est-à-dire, il ne sait pas si c'est des musulmans ou pas, voilà. Il doute. Ou bien qu'il doute encore de la validité de leur religion. Est-ce que l'islam, est-ce que le christianisme, est-ce que le judaïsme, est-ce que la démocratie, est-ce que le communisme, tout ça, toutes ces religions, est-ce que, yani, cette personne-là, elle peut aller au paradis? Est-ce que cette personne-là est dans la vérité? Est-ce que cette personne-là est égarée ou pas? Celui qui doute, il dit c'est un mécréant. Il dit, et même si en même temps, il est persuadé que l'islam est la vraie religion. Et qu'il est persuadé que toute religion est fausse. Toute autre religion est fausse. Donc il dit, une telle personne-là, c'est, elle est mécréante. Ensuite, nous avons le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Qui nous dit, donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yani, vous le connaissez tous, hein, c'est Abu al-Abbas Ahmed Ibn Abd al-Halim Ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, qui est célèbre pour son titre Cheikh al-Islam, à cause de ses vastes connaissances dans tous les domaines yani, scientifiques qui touchaient donc, à la religion. Qui était également donc le plus grand savant de l'islam à son époque. Rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qala rahimahullah ta'ala wa dhalika annahu ulima bi-ittirar anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kanu yaj'aluna ma 'abadahu al-mushrikuna ghayra Allah ويجعلون عباده عبادا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الإسلام العامة الذي La yaqbalullahu min al-awwalina wal-akhirina ghayrahu. Donc il dit le cheikh rahimallah, il dit ceci car il est connu dans la religion, et c'est la base élémentaire, que les messagers considéraient que ce qu'adoraient les idolâtres n'est pas Allah. Et qu'ils prenaient ceux qui adoraient ces choses-là pour des adorateurs d'un autre qu'Allah, pour des polythéistes. Qui donnent des associés à Allah et qui lui donnent des rivaux. Ils ont certes appelé les créatures à n'adorer qu'Allah seul sans associé. Et c'est ça la religion d'Allah. Le chéri dit, c'est ça la religion d'Allah. Pour laquelle il a fait descendre les livres et pour laquelle il a envoyé les messagers. Et ceci est l'islam général de tous les prophètes. Yani, tous les prophètes, ils sont venus pourquoi? Ils sont venus pour appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans lui donner des associés. C'est ça ce qu'on appelle Asluddin qu'on verra par la suite, Inch'Allah. Il dit, et ceci est l'islam général de tous les prophètes, en dehors de laquelle aucune œuvre n'est acceptée par Allah, ni de la part des premiers, ni de la part des derniers. Donc il dit également, Rahimallah, il dit, certes les adeptes des religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme, sont tout d'abord entre eux, sont tous d'accord entre eux sur le fait que tous les messagers ont interdit d'adorer les idoles et qu'ils considéraient mécréants ceux qui le commettent. Il dit et que les croyants et que le croyant n'est un croyant qu'après avoir totalement rompu avec le culte des idoles et de tout être adoré autre qu'Allah. المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا Comme Allah il dit donc, vous avez certes un bel exemple à suivre dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui parmi les prophètes, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous vous désavons vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Donc ici, il dit, nous vous désavons, vous, est-ce que vous adorez? C'est-à-dire, subhanallah, ils ont d'abord fait le bara, le désaveu des gens qui adorent autre chose qu'Allah avant de faire le désaveu des choses qui sont adorées avant, en dehors d'Allah. Donc il dit, nous vous désavons, vous d'abord, ensuite ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Et entre vous et nous, paraîtra la rupture et la haine pour toujours, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc il dit ça, le cheikh dans Majmou' al-Fatawa 228. Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le Coran et même tous les livres célestes révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, du premier au dernier, affirment formellement la fausseté de cette religion du shirk et la mécréance de ceux qui l'adoptent. Et la mécréance de ceux qui l'adoptent. Wa kufru ahli, comme il dit. Wa anna a'da'ullahi wa rasoulihi وأنهم أعداء الله ورسوله et qu'ils sont les ennemis d'Allah et de son messager. وأنهم أولياء الشيطان أولياء الشيطان et qu'ils sont les alliés de Shaytan. Subhanallah. Ils déclarent tous qu'Allah ne leur pardonnera jamais, il n'acceptera la moindre bonne action de leur part, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas quand on lui donne un associé, en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah dit, nous avons considéré leurs œuvres qu'ils ont accomplies et nous l'avons réduite en une poussière éparpillée. Wa qadimna ila ma amilu min amali wa ja'alnahu haba' subhanallah manthura. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne donne pas d'ego à Allah alors que vous savez. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Et toujours le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah, dans Saïd Sandura al-Saniya, page 89, toujours lui, il dit encore, le cheikh, rahimahullah, il dit, et le sens du désaveu du Tarout, c'est que tu te sépares de tout ce qui est pris pour divinité en dehors d'Allah, que ce soit des djinns, un homme, un arbre, une pierre ou autre. Watashhad alayhi bil kufr. Watashhad alayhi bil kufr. Et que tu témoignes de sa mécréance et de son égarement. Alayhi bil kufr, wadbalala. De son égarement, ou à tabraduhu, et que tu le haïsses, même si c'est ton père ou ton frère. Wa law kana abuka aw akhuka. Il dit, quant à celui qui dit, je n'adore qu'Allah, et je ne m'oppose pas au sidi, ni au mausolée, ni au tombeau, et autres paroles de ce genre, il dit, celui-ci, il a menti lorsqu'il dit la ilaha illallah. Il a menti. Subhanallah. فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. Il dit, celui-là, il n'a pas cru en Allah et il n'a pas désavoué le taghout. Subhanallah. Il dit la ilaha illallah. Lakin, il ne s'oppose pas à tout ce qui est le shirk, etc. C'est pas grave pour lui. Ensuite, il dit encore, le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, toujours, il dit, mes frères, agrippez-vous à la racine de votre religion du début à la fin, de sa base à son sommet, qui est le témoignage qu'il n'y a de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissez son sens, aimez-le et aimez ceux qui adhèrent, et faites-en vos frères même s'ils sont loin de vous, et désavouez les tawarites, le purée, le tarout. Et rompez avec eux et haïssez ceux qui les aiment ou qui plaident en leur faveur ou qu'ils ne les expulsent pas de l'islam. Ou qu'ils ne les expulsent pas de l'islam. Qu'ils ne font pas leur Il dit, Aoulam yakfurhum, ils font pas leur takfir. Aoukala ma alayya minhum. Ou bien ceux qui disent, je m'en fiche d'eux. Ni c'est pas, je m'occupe pas de ces gens-là, c'est pas ça me regarde pas, subhanallah. Ou qui dit encore, Allah ne m'a pas chargé d'eux. Il dit, car quand ils disent cela, ils mentent sur Allah et ils ont diffamé à son encontre. Certes, Allah les en a chargés et leur a imposé de se séparer d'eux et de mécroire en eux, même s'ils sont leurs frères ou leurs fils. Par Allah, mes frères, accrochez-vous à la racine de votre religion afin que vous rencontriez votre Seigneur sans rien lui associer. Ô Allah, fais-nous mourir sur l'islam et fais-nous rejoindre les vertus. Allahumma amin. Subhanallah, j'avais déjà cité dans un autre audio la parole de ce bédouin, enfin du shir, pardon, d'abord le shir qui cite en disant, il est inimaginable que tu puisses dire à un homme, même le plus ignorant et le plus abruti de tous, donc, de lui dire, je cite, que penses-tu de quelqu'un qui désobéit au messager d'Allah alayhi salatu salam, et ne se soumet pas à son ordre de cesser d'adorer les idoles et de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui prétend en même temps être un musulman conforme. Fin de citation. Même le plus ignorant et le plus abruti de tous, si on lui pose cette question, le cheikh, il dit qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit sans qu'il ne s'empresse de répondre par son instinct élémentaire. Par son instinct élémentaire, que c'est un mécréant. Celui qui fait ça, qui continue qui ne s'arrête pas, pardon, d'adorer les idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, mais qui prétend être musulman, et subhanallah, même le plus ignorant, il va dire que c'est un mécréant, sans examiner de preuves, ni interroger un seul savant. Et ça, c'est bien le shir qui dit ça. Donc, contrairement à les propos de certains qui nous disent que seuls les savants peuvent faire le takfir, etc. Et donc, il dit, donc le shir, rahimallah, il dit, et quelle belle parole, wama ahsanu ma qalahu, wahida min al bawadi. Quelle belle parole que celle de ce bédouin, il dit, qui un jour arriva jusqu'à nous et entendit quelque chose de l'islam. Puis il dit, Ashhadu annana kuffar. Subhanallah, le bédouin, il a dit, j'atteste que nous sommes des mécréants. Il a fait son takfir de lui-même et puis des bédouins qui sont avec lui, qui vivaient autour de lui. Il dit, et je témoigne, wa ashhadu et j'atteste, naam, que le religieux qui nous appelle musulmans est un mécréant. Subhanallah. Subhanallah. Et le cheikh, il a dit, Wama ahsanu ma qalahu. Quelle belle parole que celle qu'il a dit. Ça veut dire, il fait l'éloge, subhanallah, de ce takfir-là. Le cheikh, il dit encore, les apostats s'étaient diversifiés quant à la nature de leur apostasie. Certains ont fini par traiter les prophètes de menteurs et retournèrent à l'adoration des statues en disant, s'il était vraiment prophète, il ne serait pas mort. D'autres, par contre, continuaient d'attester la shahada, mais ils ont cru à la prophétie de Musaylama. Musaylama al-Kadhdhab, dont j'ai parlé déjà la dernière fois, qui était une personne qui avait prétendu à la prophétie juste avant la mort du prophète, c'est-à-dire juste avant que le prophète meure, il avait déjà prétendu à la prophétie. Et après la mort du prophète, les gens, ils ont commencé à le suivre et sa notoriété, elle a grandi. Donc, mais ils ont cru à la prophétie de Moussaïlama, pensant que le prophète lui avait confié une part de la prophétie. Ça veut dire qu'ils avaient une ambiguïté, ils avaient une choubha. Car Moussaïlama avait amené de faux témoins qui témoignèrent de sa prophétie. Alors beaucoup de gens le crurent. Malgré cela, le cheikh il dit, malgré cela, les savants furent unanimes pour dire qu'ils étaient tous des apostats, même s'ils l'ignoraient. même s'ils ignoraient que c'était des apostats, le cheikh dit, eh bien, malgré ça, c'était quand même des apostats. Et il dit, et quiconque douterait de leur apostasie est un mécréant. Subhanallah. وَمَنْ شَكَّ فِي رَدِّهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ. Et il dit encore le cheikh, donc tout ça c'est dans Durar al-Saniya, je ramènerai les références à l'écrit, Inch'Allah. Et il dit donc, le cheikh encore, celui qui ne bannit pas de l'islam ceux qui donnent des associés à Allah, ou doute de leur mécréance, ou valide leur religion, c'est un mécréant à l'unanimité. وَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبِهِمْ كَافِرًا إِجْمَاعًا. Et il dit encore, le cheikh rahimallah, et le fondement de l'islam et son principe sont deux choses. Le premier est le commandement d'adorer Allah, seul sans associé, y inciter les gens, s'unir pour cela et bannir de l'islam celui qui le délaisse. Et le deuxième, c'est avertir contre le shirk dans l'adoration d'Allah, faire preuve de sévérité sur cela, se séparer pour cela et bannir de l'islam celui qui le commet. Taïb, j'aimerais quand même souligner un point ici, c'est que le shirk, il dit ici « Aslu din al-islam », que le fondement de l'islam « wa qa'idatuhu amaran ». Le fondement de l'islam et son principe sont de deux sortes. Et ici, lorsqu'il cite le fondement de l'islam, il cite des choses qui ne sont pas réellement dans le Asluddin. Qui ne font pas partie de Asluddin. Donc, et on reviendra, Inch'Allah, peut-être sur qu'est-ce que le Asluddin, vraiment, etc. Al-Muhim, ici, il a parlé des implications du Asluddin. Parmi les implications du Asluddin, qui ne sont pas le Asluddin lui-même, parmi les implications du fondement de la religion et qui n'est pas le fondement de la religion elle-même, il y a le fait de bannir de l'islam celui qui délaisse l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et qui commette le shirk. Le cheikh Abdullah Ibn Rahman Abu Boutaïna Rahimallah, il dit ce que le livre, la sunna et l'unanimité des savants indiquent comme étant de la mécréance, comme le polythéisme, en adorant un autre qu'Allah, quiconque commet quoi que ce soit de ce genre, il n'y a aucun doute de sa mécréance et il n'y a aucun mal à ce que tu dises de celui qui s'est caractérisé par quoi que ce soit de cela, un tel est devenu mécréant par cet acte. Ça veut dire que le shirk ici, il nous dit, il n'y a pas de mal à celui qui a fait le shirk, billah azza wa jal. Il n'y a pas de mal à ce qu'on lui on fasse ce qu'on appelle al-takfir al-mu'ayyin, le fait de faire de dire qu'une personne est mécréant de manière individuelle. Il n'y a pas une question de c'est un savant qui doit le dire, etc. Le cheikh, il dit, il n'y a pas de mal à ce que tu le dis. Et il dit aussi, la pire forme de mécréance, c'est le polythéisme en adorant un autre qu'Allah. C'est une mécréance à l'unanimité des musulmans, et rien n'empêche de bannir de l'islam celui qui se caractérise par cela. Tout comme on dit de celui qui fornique, fornicateur, et de celui qui pratique l'usure, usurier, yani. C'est-à-dire, c'est pareil, quelqu'un qui fait la zina, on dit que c'est un zani, c'est un fornicateur. Pareil, celui qui fait le shirk, on dit que c'est un mushrik, c'est un associateur. Et le mushrik, il n'est jamais musulman, c'est un kafir forcément. Et c'est pas est-ce qu'on a besoin d'un savant pour dire que telle personne, c'est un fornicateur? Là, on n'a pas besoin d'un savant pour dire ça. Lorsque les règles de sont tombées, il remplit les conditions, les règles pour qu'on applique un statut, alors le statut s'applique sur la personne. Quand quelqu'un il vole, on ne va pas voir un savant pour demander une fatwa pour dire est-ce que c'est un voleur. Il a volé, c'est un voleur. Taïb. Les paroles sont encore nombreuses. Euh, sont encore bien nombreuses. Il y a encore bien des savants qui ont parlé. Je rajouterai certains dires à l'écrit. Al-Muhim, tous s'entendent pour dire que celui qui ne fait pas le takfir de l'adorateur d'un autre qu'Allah n'est pas et ne peut pas être musulman sans cela. Et que le takfir, c'est un pilier de la religion de tous les prophètes, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, celui qui ne fait pas le takfir des mushrikines, alors cette personne-là, c'est pas un musulman. Et je dis bien celui qui ne fait pas le takfir des mushrikines. Je ne parle pas de celui qui ne fait pas le takfir, de celui qui ne fait pas le takfir. On n'est pas en train de parler de comme certains ils font comment dire, un calcul. On ne calcule pas. On parle ici de l'annulatif de l'islam, ce qui est celui qui ne fait pas le takfir des mushrikines, fa huwa kafir. Alors, lui-même, c'est un mécréant. Celui qui dit pas que les chrétiens. Ce sont des mécréants, c'est un mécréant. Celui qui dit pas que les démocrates, yani qui votent pour la démocratie, ou bien qui participent, ou bien qui croient, etc., que celui-là, c'est un mécréant, alors celui-là même est un mécréant. Etc., etc. Celui qui ne dit pas que l'adorateur de tombe, c'est un mécréant, lui-même, il est mécréant. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'a pas des aveux de taghout. Il sait pas c'est quoi le shirk. Celui qui dit ça, qui dit qu'une personne qui adore un autre qu'Allah, c'est pas un mécréant, il fait pas son takfir, alors ça veut dire que lui-même, il sait pas c'est quoi le shirk. Ça veut dire qu'il a pas compris la ilaha illallah. Et celui qui a pas compris la ilaha illallah, c'est pas un musulman, il a pas concrétisé son islam. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. On demande à Allah سبحانه وتعالى la guider ainsi que la réussite. Et inshallah on continue dans la prochaine vidéo, le prochain cours là, pour le prochain audio inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم.